pas d'hiver. Je vais en prendre plein les yeux dans ce paradis découvert. Puis je ferai des envieux dans ce petit coin de verre. Sûrement un des plus beaux lieux de l'univers.